Les handballeuses coréennes ont obtenu la médaille d'or à la Coupe de la Fédération internationale de handball 2017 Asie, tenue du 24 au 28 avril en Thaïlande. Elles ont regagné le 1er mai la patrie.